J'appartiens à une génération qui fait flipper tous ces jeunes crétins en quête de célébrité. Oh oui, vas-y, travaillez, c'est trop moisi, on va sauver une star, Stéphane qui me l'a dit. Ainsi assiste-t-on et de façon symptomatique à un phénomène nouveau et plutôt dramatique, un refus général d'une existence normale. Ces jeunes sont prétentieux, méritent-ils vraiment mieux qu'une vie banale? Non mais tu vois quoi, je suis un artiste incompris, je le sais au fond de moi. D'ailleurs je chante depuis tout petit, toute ma famille me soutient, toute ma cité me soutient pour que j'incarne l'espoir de meilleur. Car c'est complètement tout ce qui nous arrive. Il semblerait qu'on soit obligé de travailler pour survivre, imagine. Sans PF1 je passerai mon temps à l'usine. Quelle honte, adieu mes rêves de limousine. Comment peut-on être assez con pour servir de chair à canon à ces émissions dont on taira le nom? Le million est la plus forte raison. Ouais, catapulté dans mon petit écran. Ouais, tu t'agites, tu gigotes, c'est limite inquiétant. Tout ça pour qu'on te et que mon plaudit. Les gens rient devant tes grands airs de psychopathe. Ah, le monde du showbiz. Ouais pourtant tu deviens important. Les gens à ton égard ont des regards complaisants. T'es l'emblème même du système, mais tout le monde t'aime. Alors dis-moi, il est où le problème? T'es connu, reconnu, personne sait vraiment pourquoi. T'es partout, t'es nulle part, sur toutes les chaînes à la fois. On dit souvent, t'as un numéro de gars. Et pour expliquer les conneries, tu sors à la télé. Et tous espèrent résister au rouleau compresseur, à l'oubli inévitable du téléspectateur. Mais c'est inutile, que comprendront-ils qu'il faudrait pour cela le talent qu'ils n'ont pas? Le ciel, pas de tâche ou héroïne, c'est ce qu'il te faut maintenant pour les faire grimper la Bible. La chapelle de tes observateurs devient pour toi un juge inquisiteur. Pour toi d'essayer d'innover, t'es bon à acheter comme un vieux pack de lait. Ils en ont ras le bol de ta gueule de gros con. La consommation a de la mais profond dans le fion. Welcome back dans l'anonymat forcé travailler. Tu te souviens Manon, t'avais oublié et mis à part deux trois photos sur ta cheminée, plus une trace de ton heure de gloire, c'est terminé. Je ferai de toi une star. Yeah.